100 fois ma vie pour toi. Je donnerai 100 fois ma vie pour toi. Je la jouerai sur un seul mot de toi. Mon amour, tant j'espère en toi. 100 fois ma vie pour toi. Je la jouerai, crois-moi, les yeux fermés. Contre l'espoir que tu n'oublies jamais. Tout l'amour que tu m'as juré. Car c'était toi, ne l'oublie pas. Cet inconnu qui est venu m'offrir ta vie pour l'amour. Cœur et moi, nous te l'avons donné. C'est un trésor qui n'appartient qu'à toi. Mon amour, ne l'oublie jamais. 100 fois ma vie pour toi. Je donnerai 100 fois ma vie pour toi. Je la jouerai sur un seul mot de toi, mon amour.